Rome, chapitre 6. Depuis 15 jours déjà, Pierre se trouvait à Rome, et l'affaire pour laquelle il était venu, la défense de son livre, n'avançait point. Il en était encore à son désir brûlant de voir le pape, sans prévoir quand ni comment il le satisferait, au milieu des continuels retards, dans la terreur que Monsignore Nani lui avait inspirée d'une démarche imprudente. Et, comprenant que son séjour pouvait s'éterniser, il s'était décidé à faire viser son célébré au vicariat. Il disait sa messe, chaque matin, à Sainte-Brigitte, place Farnèse, où il avait reçu un bienveillant accueil de l'abbé Pisoni, l'ancien confesseur de Benedetta. Ce lundi-là, il résolut de descendre de bonne heure à la petite réception intime de Donna Serafina, avec l'espoir d'y apprendre des nouvelles et d'y hâter son affaire. Peut-être Monsignore Nani serait-il là. Peut-être aurait-il la chance de tomber sur quelque prélat ou sur quelque cardinal qui l'aiderait. Vainement, il avait tâché d'utiliser Don Vigilio, de tirer tout au moins de lui des renseignements certains. Comme repris de méfiance et de peur, après s'être montré un instant serviable, le secrétaire du cardinal Boccanera l'évitait, se cachait, l'air résolu à ne pas se mêler d'une aventure décidément louche et dangereuse. D'ailleurs, depuis l'avant-veille, il venait d'être pris d'un accès atroce de fièvre qui le forçait à garder la chambre. Et il n'y avait absolument, pour réconforter Pierre, que Victorine Bosquet, l'ancienne bonne, montée au rang de gouvernante, la Beauceronne, qui conservait son cœur de vieille France après 30 ans de vie dans cette Rome qu'elle ignorait. Elle lui parlait d'Ono comme si elle l'avait quitté la veille. Mais ce jour-là, elle n'avait point sa vivacité à corte, sa gaieté d'habitude, et quand elle sut qu'il descendrait le soir voir ces dames, elle hocha la tête. Ah, vous ne les trouverez pas bien contentes. Ma pauvre Benedetta a de gros ennuis. Il paraît que son divorce va très mal. Toute Rome en causait. C'était une reprise extraordinaire de commérage qui bouleversait le monde blanc et le monde noir. Aussi, Victorine n'avait-elle pas à faire de la discrétion inutile vis-à-vis d'un compatriote. Donc, en réponse aux mémoires de l'avocat consistorial Morano, qui, s'y appuyant sur des témoignages et sur des preuves écrites, démontrait que le mariage n'avait pu être consommé, par suite de l'impuissance du mari, Monsignor Palma, théologien, choisi dans l'affaire par la congrégation du Concile, comme défenseur du mariage, venait à son tour de déposer un mémoire vraiment terrible. D'abord, il mettait fortement en doute l'état de virginité de la demanderesse. Discutant les termes techniques du certificat des deux sages-femmes, exigeant l'examen à fond fait par deux médecins, formalité devant laquelle avait reculé la pudeur de la jeune femme. Et encore citait-il des cas physiologiques parfaitement établis, où des filles avaient eu commerce avec des hommes sans paraître le moins du monde dépurées. Il tirait grand parti du récit contenu dans le mémoire du comte Prada, qui, très sincèrement, hésitait à dire si le mariage avait été consommé ou non, tellement la comtesse s'était débattue. Lui, sur le moment, avait bien cru accomplir l'acte jusqu'au bout, dans les conditions normales. Mais depuis, en y réfléchissant, il n'osait être affirmatif. Il admettait que, cédant à la violence de son désir, il avait pu s'illusionner sur une possession incomplète. Et Monsignore Palma, triomphait de ce doute, l'aggravait par tous les raisonnements subtils que comportait la délicate matière. en arrivait à retourner contre l'épouse violentée la déposition de la femme de chambre, citée par elle, qui avait entendu le bruit de la lutte et qui affirmait que monsieur et madame, à la suite de cette première nuit, avaient toujours fait lit à part. Ensuite, d'ailleurs, l'argument décisif du mémoire était que, si même la demanderesse faisait la preuve complète de sa virginité, il n'en demeurerait pas moins certain que son refus seul avait empêché la consommation du mariage, la condition foncière de l'acte étant l'obéissance de la femme. Et enfin, sur un quatrième mémoire, celui du rapporteur, où ce dernier résumait et discutait les trois autres, la congrégation avait voté, accordant l'annulation du mariage, mais à une voix de majorité seulement. Solution si précaire que, sans attendre, selon son droit, Monsignore Palma s'était empressé de demander un supplément d'information. Ce qui remettait en question toute la procédure et rendait un nouveau vote nécessaire. « Ah, ma pauvre contessina !» s'écria Victorine. « Elle en mourra de chagrin, car la chère fille brûle à petit feu sous son air si calme. Il paraît que ce Monsignore Palma est le maître de la situation, qu'il peut faire durer l'affaire autant qu'il en aura l'envie. Avec ça, on a déjà dépensé tant d'argent, et il va falloir en dépenser encore. L'abbé Pisoni, que vous connaissez maintenant, a eu là une belle idée le jour où il a voulu ce mariage. Et ce n'est pas pour chagriner la mémoire de ma bonne maîtresse, la comtesse Ernesta, qui était une sainte, mais elle a sûrement fait le malheur de sa fille quand elle l'a donnée au comte Prada. » Elle s'interrompit. Puis, emportée par l'esprit de justice qui était en elle, « Il a d'ailleurs raison de ne pas être content, le comte Prada. On se moque par trop de lui. Et vous savez, ça ne m'empêche pas de dire que ma Benedetta est bien sotte d'y mettre tant de formalités. Si ça dépendait de moi, elle l'aurait, son Dario, ce soir, dans sa chambre, puisqu'elle l'aime si fort, puisqu'ils s'aiment tous les deux et qu'ils se veulent depuis si longtemps. Ma foi, oui, sans mère et sans curé, pour le plaisir d'être jeune, d'être beau et d'avoir du bonheur ensemble. Le bonheur, mon Dieu, le bonheur, c'est si rare. » Et en voyant que Pierre la regardait, surpris, elle se mit à rire de son air de belle santé, avec le tranquille équilibre du menu peuple de France qui ne croit plus guère qu'à la vie heureuse menée honnêtement. Puis, d'une façon plus discrète, elle se désola d'un autre ennui qui assombrissait la maison, un contre-coup encore de cette malheureuse affaire du divorce. Il y avait brouille entre Donna Serafina et l'avocat Morano, très mécontent du demi-échec de son mémoire devant la congrégation, accusant le père Lorenza, le confesseur de la tante et de la nièce, de les avoir poussés à un procès fâcheux, où il n'y aurait que du scandale pour tout le monde. Et il n'avait plus reparu au palais Boccanera. C'était la rupture d'une vieille liaison de 30 années, une véritable stupeur pour tous les salons de Rome, qui désapprouvaient formellement Morano. Donna Serafina était d'autant plus ulcérée qu'elle le soupçonnait de soulever là une mauvaise querelle et de la quitter pour une toute autre cause, un brusque désir inavouable, criminel chez un homme de sa position et de sa piété, la passion qu'une petite bourgeoise, jeune, une intrigante, avait allumée en lui. Lorsque Pierre, le soir, entra dans le salon tendu de brocatelle jaune à grandes fleurs Louis XIV, il trouva en effet qu'une mélancolie régnait, sous la clarté plus sourde des lampes voilées de dentelles. Il n'y avait là d'ailleurs que Benedetta et Celia, assises sur un canapé, causant avec Dario, tandis que le cardinal Sarno, enfoui au fond d'un fauteuil, écoutait, sans mot dire, le bavardage intarissable de la vieille parente qui, chaque lundi, amenait la petite princesse. Donna Serafina était seule, à sa place habituelle, au coin droit de la cheminée, avec la secrète rage de voir devant elle le coin gauche vide, ce coin que Morano avait occupé pendant les 30 ans de sa fidélité. Et Pierre remarqua le coup d'œil anxieux, puis désespéré, dont elle avait accueilli son entrée, guettant la porte, attendant sans doute encore le volage. Elle se tenait, du reste, très droite et très fière, la taille fine, plus serrée que jamais dans son corset, avec sa face dure de vieille fille, aux cheveux de neige, aux sourcils très noirs. Tout de suite, Pierre, après lui avoir présenté ses hommages, laissa percer sa préoccupation, en demandant s'il n'aurait pas le plaisir de voir Monsignor Nanni ce soir-là. Et elle-même ne put s'empêcher de répondre. « Oh, Monsignor Nanni nous abandonne, comme les autres. C'est lorsqu'on a besoin des gens qu'ils disparaissent. » Elle gardait aussi une rancune au prélat de ce qu'il s'était employé au divorce, très mollement, après avoir beaucoup promis. Sans doute, comme toujours, sous sa bienveillance extrême, pleine de caresses, il avait quelque autre plan à lui. D'ailleurs, elle regretta vite l'aveu que la colère lui avait arraché, et elle reprit « Il va peut-être venir, il est si bon, il nous aime tant. » Malgré la vivacité de son sang, elle voulait être politique pour vaincre les chances mauvaises. Son frère, le cardinal, lui avait dit combien l'irritait l'attitude de la congrégation du concile, car il ne doutait pas que le froid accueil fait à la demande de sa nièce ne vînt en partie du désir que certains de ses collègues, les cardinaux, avaient de lui être désagréables. Lui-même souhaitait le divorce, qui seul devait assurer la continuation de la race, puisque Dario s'entêtait à ne vouloir épouser que sa cousine. Et c'était un concours de désastre. Toute la famille atteinte, lui frappé dans son orgueil, sa sœur partageant cette souffrance et blessée par contre-coup au cœur, les deux amoureux désespérés de voir leur espérance reculer une fois encore. Quand Pierre s'approcha du canapé, où causaient les jeunes gens, il entendit bien qu'on ne parlait que de la catastrophe à demi-voix. « Pourquoi vous désoler ?» disait Célia. « En somme, l'annulation du mariage a été adoptée à la majorité d'une voix. Le procès est repris, ce n'est qu'un retard. » Mais Benedetta hochait la tête. Non, non, si Monsignor et Palma sans tête, jamais sa sainteté ne donnera son approbation. C'est fini. Ah, si l'on était riche, très riche, murmura Dario d'un air convaincu qui ne fit sourire personne. Puis, tout bas à sa cousine, il faut absolument que je te parle. Nous ne pouvons plus vivre de la sorte. Et elle répondit de même dans un souffle. « Descends demain soir, à 5 heures, je resterai, je serai seule ici. » La soirée s'éternisa ensuite. Pierre était infiniment touché de l'air d'accablement où il trouvait Benedetta, si calme et si raisonnable d'habitude. Ses yeux profonds dans son visage pur, d'une délicatesse d'enfance, était comme voilé de larmes contenues. Il s'était déjà pris pour elle d'une véritable tendresse, à la voir toujours d'une humeur égale, un peu indolente, cachant sous cette apparence de grande sagesse la passion de son âme de flamme. Elle tâchait pourtant de sourire en écoutant les jolies confidences de Célia, dont les amours marchaient mieux que les siennes. Et il n'y eut qu'un moment de conversation générale lorsque la vieille parente, haussant la voix, parla de l'indigne attitude de la presse italienne à l'égard du Saint-Père. Jamais les rapports ne semblaient avoir été aussi mauvais entre le Vatican et le Quirinal. Le cardinal Sarno, muet d'habitude, annonça que le pape, à l'occasion des fêtes sacrilèges du 20 septembre, célébrant la prise de Rome, lancerait une nouvelle lettre de protestation à la face de tous les États chrétiens complices du rapt par leur indifférence. « Allez donc tenter de marier le pape et le roi !» dit Donna Serafina d'une voix amère en faisant allusion au déplorable mariage de sa nièce. Elle paraissait hors d'elle. Il était trop tard maintenant, et l'on n'attendait plus Monsignor Enani, ni personne. Pourtant, à un bruit inespéré de pas, ses yeux se rallumèrent. Elle regarda ardemment la porte, eut la dernière déception de voir entrer Narcisse Haber, qui vint s'excuser près d'elle de sa visite tardive. Son oncle par alliance, le cardinal Sarno, l'avait introduit dans ce salon si fermé, et il y était bien accueilli à cause de ses idées religieuses que l'on disait intransigeantes. Ce soir-là, d'ailleurs, il n'y accourait, malgré leur avancée, que pour Pierre. Il le prit tout de suite à l'écart. « J'étais certain de vous trouver ici. J'ai dîné à l'ambassade avec mon cousin, Monsignor Gamba del Zoppo, et j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Il nous recevra demain matin vers 11 heures à son appartement du Vatican. » Puis, baissant encore la voix, « Je crois bien qu'il tâchera de vous introduire auprès du Saint-Père. Enfin, l'audience me paraît certaine. » Pierre eut une grosse joie de cette certitude qui lui arrivait dans la tristesse de ce salon où, depuis près de 2 heures, il se chagrinait et tombait à la désespérance. Enfin, il aurait donc une solution. Narcisse, après avoir serré la main de Dario, salua Benedetta et Celia, puis s'approcha de son oncle, le cardinal, qui, débarrassé de la vieille parente, se décidait à parler. Mais il ne causait guère que de sa santé, du temps qu'il faisait, des anecdotes insignifiantes qu'on lui avait contées, sans jamais un mot sur les 1000 affaires compliquées et terribles qu'il brassait à la propagande. C'était, en dehors de son cabinet de vieux bureaucrate, comme un bain d'effacement et de médiocrité, où il se reposait du souci de gouverner la terre. Et tout le monde se leva, on prit congé. « N'oubliez pas, » répéta Narcisse à Pierre, « demain matin, à 10 heures, vous me trouverez à la chapelle Sixtine, et en attendant l'heure de notre rendez-vous, je vous montrerai le Botticelli. » Le lendemain, dès 9h30, Pierre, venu à pied, était sur la vaste place. Et avant de se diriger à droite, vers la porte de bronze, dans l'angle de la colonnade, il leva les yeux. Il s'arrêta quelques minutes pour regarder le Vatican. Rien ne lui parut moins monumental que cet entassement de constructions, grandies à l'ombre du dôme de Saint-Pierre, sans ordre architectural aucun, sans régularité quelconque. Les toitures se superposaient, les façades s'étendaient, larges et plates, au hasard des ailes ajoutées et surélevées. Seuls les 3 côtés de la cour Saint-Damase, symétriques, apparaissaient au-dessus de la colonnade, avec les grands vitrages des anciennes loges, fermées aujourd'hui, qui les faisait ressembler à 3 corps de serre immenses, étincelantes au soleil dans le ton roux de la pierre. Et c'était là le plus beau palais du monde, le plus vaste, aux 1100 salles, celui qui contenait les plus admirables chefs-d'œuvre du génie humain. Mais, dans sa désillusion, Pierre ne s'intéressa qu'à la haute façade de droite, qui donne sur la place, et où il savait que s'ouvraient les fenêtres de l'appartement particulier du pape, au 2nd étage. Il contempla longuement ces fenêtres. On lui avait dit que la 5e, à droite, était celle de la chambre à coucher, où l'on voyait toujours brûler une lampe très tard dans la nuit. Qu'y avait-il derrière cette porte de bronze qu'il apercevait là devant lui et qui était le seuil sacré, la communication entre tous les royaumes de la terre et le royaume de Dieu, dont l'auguste représentant s'était emprisonné dans ses hautes murailles muettes? Il l'examinait de loin, avec ses panneaux de métal garnis de gros clous à tête carrée, et il se demandait ce qu'elle défendait, ce qu'elle cachait, ce qu'elle murait de son air dur d'antique porte de forteresse. Quel monde allait-il trouver derrière? Quel trésor de charité humaine conservé jalousement dans l'ombre? Quelle résurrection d'espoir pour les peuples nouveaux, avides de fraternité et de justice! Il se plaisait à ce rêve, le pasteur unique et sacré veillant au fond de ce palais clos, préparant le règne définitif de Jésus pendant que s'écroulaient les vieilles civilisations pourries. Et, à la veille enfin de proclamer ce règne, en faisant de nos démocraties la grande communauté chrétienne que le Sauveur avait promise. C'était l'avenir qui s'élaborait derrière la porte de bronze, et l'avenir sans doute qui en sortirait. Mais Pierre, brusquement, eut la surprise de se trouver en face de Monsignor Enani, qui justement quittait le Vatican, pour regagner à pied, à deux pas, le palais du Saint-Office, où il logeait comme assesseur. « Ah, monseigneur, je suis heureux. Mon ami, monsieur Haber, va me présenter à son cousin, monsignor Gamba del Zoppo, et je crois bien que je vais obtenir l'audience tant désirée. » De son air aimable et fin, monsignor Enani souriait. « Oui, oui, je sais. » Il se reprit. « J'en suis heureux autant que vous, mon cher fils. Seulement, soyez prudent. » Puis, craignant que son aveu n'eût fait comprendre au jeune prêtre qu'il sortait de voir Monsignor Gamba del Zoppo, le prélat le plus facile à terrifier de toute la discrète famille pontificale, il conta qu'il courait depuis le matin pour deux dames françaises, qui, elles aussi, se mouraient du désir de voir le pape. Et il avait grand peur de ne pas réussir. « Je vous avouerai, monseigneur, déclara Pierre, que je commençais à me décourager. Oui, il est temps que j'aie un peu de réconfort, car mon séjour ici n'est pas fait pour m'assainir l'âme. » Il continua. Il laissa percer combien Rome achevait de briser en lui la foi. De telles journées, celles qu'il avait passées au Palatin et à la Voie Appienne, puis celles qu'il avait vécues aux Catacombes et à Saint-Pierre, n'étaient bonnes qu'à le troubler, qu'à gâter son rêve d'un christianisme rajeuni et triomphant. Il en sortait en proie au doute, envahi d'une lassitude commençante, ayant perdu de son enthousiasme, toujours prêt à la révolte. Sans cesser de sourire, Monsignor Enani l'écoutait, hochait la tête d'un air d'approbation. « Évidemment, c'était bien cela. Les choses devaient se passer ainsi. Il semblait l'avoir prévu et en être satisfait. Enfin, mon cher fils, tout va pour le mieux, du moment que vous êtes certain de voir sa sainteté. C'est vrai, monseigneur, j'ai mis mon unique espoir dans le très juste et très clairvoyant Léon XIII. Lui seul peut me juger, puisque dans mon livre, lui seul reconnaîtra sa pensée, que très fidèlement je crois avoir traduite. Ah, s'il le veut, au nom de Jésus, par la démocratie et par la science, il sauvera le vieux monde. » Son enthousiasme le reprenait. Enani, de plus en plus affable, avec ses yeux aigus et ses lèvres minces, approuva de nouveau. « Parfaitement, c'est cela, mon cher fils. Vous causerez, vous verrez. » Puis, comme tous deux, levant la tête, regardaient la façade du Vatican, il poussa l'amabilité jusqu'à le détromper. « Non, la fenêtre où l'on voyait de la lumière chaque soir n'était pas celle de la chambre à coucher du pape. C'était celle d'un palier de l'escalier, que des becs de gaz éclairaient toute la nuit. La chambre du pape se trouvait à deux fenêtres de là. Et ils retombèrent dans le silence. Ils continuèrent à regarder la façade, très graves l'un et l'autre. « Eh bien, au revoir, mon cher fils. Vous me raconterez l'entrevue, n'est-ce pas ?» Dès que Pierre fut seul, il franchit la porte de bronze, le cœur battant à grands coups, comme s'il fût entré dans le lieu sacré et redoutable où s'élaborait le bonheur futur. Un poste veillait là. Un garde suisse marchait à pas lents, drapé en un manteau gris-bleu qui laissait dépasser seulement la culotte bariolée de noir, de jaune et de rouge. Et il semblait que ce manteau discret fût jeté ainsi sur un déguisement pour en dissimuler l'étrangeté devenue gênante. Puis, tout de suite, à droite, s'ouvrait le grand escalier couvert qui conduit à la cour Saint-Damas. Mais pour se rendre à la chapelle Sixtine, il fallait suivre la longue galerie entre une double rangée de colonnes et monter l'escalier royal. Et Pierre, dans ce monde géant où toutes les dimensions s'exagéraient d'une écrasante majesté, soufflait un peu en gravissant les larges marches. Quand il entra dans la chapelle Sixtine, il éprouva d'abord une surprise. Elle lui parut petite, une sorte de salle rectangulaire, très haute, avec sa fine cloison de marbre qui la coupe aux deux tiers, la partie où se tiennent les invités, les jours de grandes cérémonies, et le chœur où s'assoient les cardinaux sur de simples bancs de chêne, tandis que les prélats restent debout derrière. Le trône pontifical, sur une estrade basse, est à droite de l'autel, d'une richesse sobre. À gauche, dans la muraille, s'ouvre l'étroite loge à balcon de marbre réservée aux chanteurs. Et il faut lever la tête, il faut que les regards montent de l'immense fresque du jugement dernier qui occupe la paroi entière du fond, aux peintures de la voûte qui descendent jusqu'à la corniche entre les 12 fenêtres claires, 6 de chaque côté, pour que brusquement tout s'élargisse, tout s'écarte et s'envole en plein infini. Il n'y avait heureusement là que 3 ou 4 touristes peu bruyants. Et Pierre aperçut tout de suite Narcisse Habert sur un des bancs des cardinaux au-dessus de la marche où s'assoient les caudataires. Le jeune homme, immobile, la tête un peu renversée, semblait comme en extase. Mais ce n'était pas l'œuvre de Michel-Ange qu'il regardait. Il ne quittait pas des yeux, en dessous de la corniche, une des fresques antérieures. Et lorsqu'il eut reconnu le prêtre, il se contenta de murmurer, les regards noyés. « Oh, mon ami, voyez donc le Botticelli !» Puis il retomba dans son ravissement. Pierre, dans un grand coup en plein cerveau et en plein cœur, venait d'être pris tout entier par le génie surhumain de Michel-Ange. Le reste disparut. Il n'y eut plus, là-haut, comme en un ciel illimité, que cette extraordinaire création d'art. L'inattendu, d'abord, ce qui le stupéfiait, c'était que le peintre avait accepté d'être l'unique artisan de l'œuvre. Ni marbrier, ni bronzier, ni doreur, ni aucun autre corps d'état. Le peintre, avec son pinceau, avait suffi pour les pilastres, les colonnes, les corniches de marbre, pour les statues et les ornements de bronze, pour les fleurons et les rosaces d'or, pour toute cette décoration d'une richesse inouïe qui encadrait les fresques. Et il se l'imaginait, le jour où on lui avait livré la voûte nue, rien que le plâtre, rien que la muraille plate et blanche, des centaines de mètres carrés à couvrir. Et il le voyait, devant cette page immense, ne voulant pas d'aide, chassant les curieux, s'enfermant tout seul, avec sa besogne géante, jalousement, violemment, passant 4 années et demie solitaire et farouche dans son enfantement quotidien de colosse. Ah, cette œuvre énorme, faite pour remplir une vie, cette œuvre qu'il avait dû commencer dans une tranquille confiance en sa volonté et en sa force, tout un monde tiré de son cerveau et jeté là, d'une poussée continue de la virilité créatrice, en plein épanouissement de la toute-puissance. Ensuite, ce fut chez Pierre un saisissement, lorsqu'il passa à l'examen de cette humanité agrandie de visionnaires, débordant en des pages de synthèse démesurées, de symbolisme cyclopéen. Et, telles que des floraisons naturelles, toutes les beautés resplendissaient, la grâce et la noblesse royale, la paix et la domination souveraine. Et la science parfaite, les plus violents raccourcis osés dans la certitude de la réussite, la perpétuelle victoire technique sur les difficultés que les plans courbes présentaient. Et surtout, une ingénuité de moyens incroyable. La matière réduite presque à rien, quelques couleurs employées largement, sans aucune recherche d'adresse ni d'éclat. Et cela suffisait, et le sang grondait avec emportement, les muscles saillaient sous la peau, les figures s'animaient et sortaient du cadre, d'un élan si énergique qu'une flamme semblait passer là-haut, donnant à ce peuple une vie surhumaine, immortelle. La vie, c'était la vie qui éclatait, qui triomphait, une vie énorme et pullulante, un miracle de vie réalisé par une main unique qui apportait le don suprême, la simplicité dans la force. Qu'on ait vu là une philosophie, qu'on ait voulu y trouver toute la destinée, la création du monde, de l'homme et de la femme, la faute, le châtiment, puis la rédemption, et enfin la justice de Dieu au dernier jour du monde, Pierre ne pouvait s'y arrêter, dès cette première rencontre, dans la stupeur émerveillée où une telle œuvre le jetait. Mais quelle exaltation du corps humain, de sa beauté, de sa puissance et de sa grâce! Ah, ce Jéhovah, ce royal vieillard, terrible et paternel, emporté dans l'ouragan de sa création, les bras élargis, enfantant les mondes. Et cet Adam, superbe, d'une ligne si droite, la main tendue, et que Jéhovah anime du doigt, sans le toucher, geste admirable, espace sacré entre ce doigt du Créateur et celui de la créature, petit espace où tient l'infini de l'invisible et du mystère. Et cette Ève, puissante et adorable, cette Ève au flanc solide, capable de porter la future humanité, d'une grâce fière et tendre de femme, qui voudra être aimée jusqu'à la perdition, toute la femme avec sa séduction, sa fécondité, son empire. Puis, c'étaient les mêmes figures décoratives, assises sur les pilastres aux 4 coins des fresques, qui célébrait le triomphe de la chair. Les 20 jeunes hommes, heureux d'être nus, d'une splendeur de torse et de membres incomparables, d'une intensité de vie telle qu'une folie du mouvement les emporte, les plie et les renverse en des attitudes de héros. Et entre les fenêtres trônaient les géants, les prophètes et les sibylles, l'homme et la femme devenus dieux, démesurés dans la force de la musculature et dans la grandeur de l'expression intellectuelle. Jérémie, le coude appuyé sur le genou, la mâchoire dans la main, réfléchissant, au fond même de la vision et du rêve. La Sibylle d'Érythrée, au profil si pur, si jeune en son opulence, un doigt sur le livre ouvert du destin. Isaïe, à l'épaisse bouche de vérité, toute gonflée sous le charbon ardent, au teint, la face tournée à demi et une main levée en un geste de commandement. La sibylle de Cum, terrifiante de science et de vieillesse, restée d'une solidité de roc, avec son masque ridé, son nez de proie, son menton carré qui avance et s'obstine. Jonas, vomi par la baleine, lancé là en un raccourci extraordinaire, le torse tordu, les bras repliés, la tête renversée, la bouche grande ouverte et criant. Et les autres, et les autres, tous de la même famille, ample et majestueuse, régnant avec la souveraineté de l'éternelle santé et de l'éternelle intelligence, réalisant le rêve d'une humanité indestructible, plus large et plus haute. D'ailleurs, dans les cintres des fenêtres, dans les lunettes, des figures de beauté, de puissance et de grâce naissaient encore, se pressaient, abondaient. Les ancêtres du Christ, les mères songeuses aux beaux enfants nus, les hommes au regard lointain, fixés sur l'avenir, la race punie, lasse, désireuse du Sauveur promis. Tandis que, dans les pendentifs des quatre angles, s'évoquaient, vivantes, des scènes bibliques, les victoires d'Israël sur l'esprit du mal. Et c'était enfin la colossale fresque du fond, le jugement dernier, avec son peuple grouillant de figures, si innombrables qu'il faut des jours et des jours pour les bien voir. Une foule éperdue, emportée dans un brûlant souffle de vie, depuis les morts que réveillent les anges de l'Apocalypse, sonnant furieusement de la trompette, depuis les réprouvés que les démons jettent à l'enfer en grappes d'épouvante, jusqu'au Jésus justicier, entouré des apôtres et des saints, jusqu'aux élus radieux qui montent, soutenus par des anges, pendant que, plus haut encore, d'autres anges, chargés des instruments de la passion, triomphent en pleine gloire. Et pourtant, au-dessus de cette page gigantesque, peinte 30 ans plus tard, dans toute la maturité de l'âge, le plafond garde son envolée, sa supériorité certaine. Car c'était là que l'artiste avait donné son effort vierge, toute sa jeunesse, toute la flambée première de son génie. Alors, Pierre ne trouva qu'un mot. Michel-Ange était le monstre dominant tout, écrasant tout. Et il n'y avait qu'à voir sous l'immensité de son œuvre, les œuvres du Pérugin, du Pinturicchio, de Rosselli, de Signorelli, de Botticelli, et les fresques antérieures admirables qui se déroulaient en dessous de la corniche, autour de la chapelle. Narcisse n'avait pas levé les yeux vers la splendeur foudroyante du plafond. Abîmé d'extase, il ne quittait pas du regard Botticelli, qui a là trois fresques. Enfin, il parla d'un murmure. « Ah, Botticelli, Botticelli, l'élégance et la grâce de la passion qui souffre, le profond sentiment de la tristesse dans la volupté, toute notre âme moderne devinée et traduite, avec le charme le plus troublant qui soit jamais sorti d'une création d'artiste. » Stupéfait, Pierre l'examinait. Puis, il se hasarda à demander « Vous venez ici pour voir Botticelli ?»« Mais certainement, » répondit le jeune homme d'un air tranquille. « Je ne viens que pour lui, pendant des heures, chaque semaine, et je ne regarde absolument que lui. Tenez, étudiez donc cette page, Moïse et les filles de Jéthro. N'est-ce pas ce que la tendresse et la mélancolie humaine ont produit de plus pénétrant ?» Et il continua, avec un petit tremblement dévot de la voix, de l'air du prêtre qui pénètre dans le frisson délicieux et inquiétant du sanctuaire. Ah, Botticelli, Botticelli, la femme de Botticelli, avec sa face longue, sensuelle et candide, avec son ventre un peu fort sous les draperies minces, avec son allure haute, souple et volante, où tout son corps se livre. Les jeunes hommes, les anges de Botticelli, si réels et beaux pourtant comme des femmes, d'un sexe équivoque, dans lequel se mêle la solidité savante des muscles à la délicatesse infinie des contours, tous soulevés par une gamme de désirs dont on emporte la brûlure. Ah, les bouches de Botticelli, ces bouches charnelles, fermes comme des fruits, ironiques ou douloureuses, énigmatiques en leurs plis sinueux, sans qu'on puisse savoir si elles taisent des puretés ou des abominations. Les yeux de Botticelli, des yeux de langueur, de passion, de pâmoison mystique ou voluptueuse, pleins d'une douleur si profonde parfois dans leur joie, qu'il n'en est pas au monde de plus insondable, ouvert sur le néant humain. Les mains de Botticelli, si travaillées, si soignées, ayant comme une vie intense, jouant à l'air libre, s'unissant les unes aux autres, se baisant et se parlant, avec un souci tel de la grâce qu'elles en sont parfois maniérées, mais chacune avec son expression, toutes les expressions de la jouissance et de la souffrance du toucher. Et cependant, rien d'efféminé ni de menteur, partout une sorte de fierté virile, un mouvement passionné et superbe, soufflant, emportant les figures, un souci absolu de la vérité, l'étude directe, la conscience, tout un véritable réalisme que corrige et relève l'étrangeté géniale du sentiment et du caractère, donnant à la laideur même la transfiguration inoubliable du charme. L'étonnement de Pierre grandissait, et il écoutait Narcisse, dont il remarquait pour la première fois la distinction un peu étudiée, les cheveux bouclés taillés à la florentine, les yeux bleus, presque mauves, qui pâlissaient encore dans l'enthousiasme. « Sans doute, finit-il par dire, Botticelli est un merveilleux artiste. Seulement, il me semble qu'ici, Michel-Ange... » D'un geste presque violent, Narcisse l'interrompit. « Ah, non, non, ne me parlez pas de celui-là. Il a tout gâché, il a tout perdu. Un homme qui s'attelait comme un bœuf à la besogne, qui a bâté l'ouvrage ainsi qu'un manœuvre, à tant de mètres par jour. Et un homme sans mystère, sans inconnu, qui voyait gros à dégoûter de la beauté. Des corps d'hommes tels que des troncs d'arbres, des femmes pareilles à des bouchères géantes, des masses de chair stupides, sans au-delà d'âmes divines ou infernales. Un maçon, et si vous voulez, oui, un maçon colossal, mais pas davantage. » Et inconsciemment chez lui, dans ce cerveau de moderne-là, compliqué, gâté par la recherche de l'original et du rare, éclatait la haine fatale de la santé, de la force, de la puissance. C'était l'ennemi, ce Michel-Ange, qui enfantait dans le labeur, qui avait laissé la création la plus prodigieuse dont un artiste eût jamais accouché. Le crime était là, créer, faire de la vie, en faire au point que toutes les petites créations des autres, même les plus délicieuses, fussent noyées, disparussent dans ce flot débordant d'êtres jetés vivants sous le soleil. « Ma foi, déclara Pierre courageusement, je ne suis pas de votre avis. Je viens de comprendre qu'en art, la vie est tout, et que l'immortalité n'est vraiment qu'aux créatures. Le cas de Michel-Ange me paraît décisif, car il n'est le maître surhumain, le monstre qui écrase les autres. que grâce à cet extraordinaire enfantement de chair vivante et magnifique dont votre délicatesse se blesse. Allez, que les curieux, les jolis esprits, les intellectuels pénétrants raffinent sur l'équivoque et l'invisible, qu'ils mettent le ragoût de l'art dans le choix du très précieux et dans la demi-obscurité du symbole, Michel-Ange reste le tout-puissant, le faiseur d'hommes, le maître de la clarté, de la simplicité et de la santé, éternel comme la vie elle-même. Narcisse alors se contenta de sourire, d'un air de dédain indulgent et courtois. Tout le monde n'allait pas à la chapelle Sixtine s'asseoir pendant des heures devant un Botticelli, sans jamais lever la tête pour voir les Michel-Anges. Et il coupa court en disant « Voilà qu'il est 11 heures. Mon cousin devait me faire prévenir ici, dès qu'il pourrait nous recevoir. Et je suis étonné de n'avoir encore vu personne. Voulez-vous que nous montions aux chambres de Raphaël en attendant ?» Et en haut, dans les chambres, il fut parfait, très lucide et très juste pour les œuvres, retrouvant toute son intelligence aisée dès qu'il n'était plus soulevé par sa haine des besognes colossales et du génial décor. Malheureusement, Pierre sortait de la chapelle Sixtine, et il lui fallut échapper à l'étreinte du monstre, oublier ce qu'il venait de voir, s'habituer à ce qu'il voyait là, pour en goûter toute la beauté pure. C'était comme un vin trop rude qu'il avait d'abord étourdi et qui l'empêchait de goûter ensuite cet autre vin plus léger d'un bouquet délicat. Ici, l'admiration ne frappe pas en coup de foudre, mais le charme opère avec une puissance lente et irrésistible. C'est Racine à côté de Corneille, Lamartine à côté d'Hugo, l'éternel père, le couple de la femelle et du mâle dans les siècles de gloire. Avec Raphaël triomphe la noblesse, la grâce, la ligne exquise et correcte, d'une harmonie divine, et ce n'est plus seulement le symbole matériel superbement jeté par Michel-Ange. Et c'est une analyse psychologique d'une pénétration profonde apportée dans la peinture. L'homme y est plus épuré, plus idéalisé, vu davantage par le dedans. Et toutefois, et s'il y a là un sentimental, un féminin dont on sent le frisson de tendresse, cela est aussi d'une solidité de métier admirable, très grand et très fort. Pierre, peu à peu, s'abandonnait à cette maîtrise souveraine, conquis par cette élégance virile de beau jeune homme, touché jusqu'au fond du cœur, par cette vision de la suprême beauté dans la suprême perfection. Mais si la dispute du Saint-Sacrement et l'école d'Athènes, antérieures aux peintures de la chapelle Sixtine, lui parurent les chefs-d'œuvre de Raphaël, il sentit que, dans l'incendie du bourg, et plus encore dans l'héliodore chassé du temple, et dans l'Attila arrêté aux portes de Rome, l'artiste avait perdu la fleur de sa divine grâce, impressionné par l'écrasante grandeur de Michel-Ange. Quel foudroiement, lorsque la chapelle Sixtine fut ouverte et que les rivaux entrèrent. Le monstre avait procréé en bas, et le plus grand parmi les humains y laissa de son âme, sans jamais plus se débarrasser de l'influence subie. Puis, Narcisse conduisit Pierre aux loges, à cette galerie vitrée si claire et d'une décoration si délicieuse. Mais Raphaël était mort, il n'y avait là, sur les cartons qu'il avait laissés, qu'un travail d'élève. Et c'était une chute brusque, totale. Jamais Pierre n'avait mieux compris que le génie est tout, que lorsqu'il disparaît, l'école sombre. L'homme de génie résume l'époque, donne à une heure de la civilisation toute la sève du sol social, qui reste ensuite épuisée parfois pour des siècles. et il s'intéressa davantage à l'admirable vue qu'on a des loges, lorsqu'il remarqua qu'il avait en face de lui, de l'autre côté de la cour Saint-Damas, l'étage habité par le pape. En bas, la cour, avec son portique, la fontaine, son pavé blanc, était clair et nu sous le brûlant soleil. Cela n'avait décidément rien de l'ombre, du mystère étouffé et religieux que les alentours des vieilles cathédrales du Nord lui avaient fait rêver. À droite et à gauche du perron qui menait chez le pape et chez le cardinal secrétaire, 5 voitures se trouvaient rangées, les cochers raides sur leurs sièges, les chevaux immobiles dans la lumière vive. Et pas une âme ne peuplait le désert de la vaste cour carrée, aux 3 étages de loges vitrées comme des serres immenses. Et l'éclat des vitres, le ton roux de la pierre, semblait dorer la nudité du pavé et des façades, dans une sorte de majesté grave de temple païen, consacré au dieu du soleil. Mais ce qui frappa Pierre plus encore, ce fut le prodigieux panorama de Rome qui se déroule sous ses fenêtres du Vatican. Il n'avait point songé que cela dût être. Il venait d'être tout d'un coup saisi par cette pensée que le pape, de ses fenêtres, voyait ainsi Rome entière, étalée devant lui, ramassée, comme s'il n'avait eu qu'à étendre la main pour la reprendre. Et il s'emplit longuement les yeux et le cœur de ce spectacle inouï, car il voulait l'emporter, le garder, tout frémissant des rêveries sans fin qu'il évoquait. Dans sa contemplation, un bruit de voix lui fit tourner la tête, et il aperçut un domestique en livrée noire qui, après s'être acquitté d'un message près de Narcisse, le saluait profondément. Le jeune homme se rapprocha du prêtre, l'air très contrarié. « Mon cousin, Monsignor Gamba del Zoppo, me fait dire qu'il ne pourra nous recevoir ce matin. Il est pris, paraît-il, par un service inattendu. » Mais son embarras laissait voir qu'il ne croyait guère à cette excuse et qu'il commençait à soupçonner son parent de trembler de se compromettre, averti, terrifié sans doute par quelque bonne âme. Cela l'indignait d'ailleurs. Obligeant et fort brave, il finit par sourire. Il ajouta « Écoutez, il y a peut-être un moyen de forcer les portes. Si vous pouvez disposer de votre après-midi, nous allons déjeuner ensemble, puis nous reviendrons visiter le musée des Antiques. Et je finirai bien par rejoindre mon cousin, sans compter l'heureuse chance que nous avons de rencontrer le pape lui-même s'il descend au jardin. » Pierre, d'abord, à l'annonce de l'audience encore reculée, avait éprouvé le plus vif désappointement. Aussi, libre de sa journée entière, accepta-t-il très volontiers l'offre. « Vous êtes trop aimable, et je ne crains que d'abuser. Merci mille fois. » Ils déjeunèrent en face de Saint-Pierre même dans un petit restaurant du Borgo, dont les pèlerins faisaient l'ordinaire clientèle. On y mangeait fort mal du reste. Puis, vers 2 heures, ils firent le tour de la basilique, par la place de la sacristie et par la place Sainte-Marthe, pour gagner, derrière, l'entrée du musée. C'était un quartier clair, désert et brûlant, où le jeune prêtre retrouva, décuplé, la sensation de majesté nue et fauve, comme cuite au soleil, qu'il avait eue en regardant la cour Saint-Damase. Mais surtout, quand il contourna l'abside géante du colosse, il en comprit davantage l'énormité. Toute une floraison d'architecture mise en tas, que bordent les espaces vides du pavé, où verdit une herbe fine. Il n'y avait là, dans cette immensité muette, que 2 enfants qui jouaient à l'ombre d'un mur. L'ancienne monnaie des papes, la zecca, devenue italienne et gardée par des soldats du roi, se trouve à gauche du passage conduisant au musée, tandis qu'en face, à droite, s'ouvre une porte d'honneur du Vatican, où veille un poste de la garde suisse, et c'est par cette porte que passent les voitures à deux chevaux qui, selon l'étiquette, amènent dans la cour Saint-Damase les visiteurs du cardinal secrétaire et de sa sainteté. Ils suivirent le long passage, la rue qui monte entre une aile du palais et le mur des jardins pontificaux, et ils arrivèrent enfin au musée des Antiques. Ah, ce musée immense, composé de salles sans fin, ce musée qui en contient trois, le très ancien musée Pio Clementino, le musée Chiaramonti et le Braccio Nuovo. Tout un monde retrouvé dans la terre, exhumé, glorifié sous le plein jour. Pendant plus de 2 heures, le jeune prêtre le parcourut, passa d'une salle à une autre, dans l'éblouissement des chefs-d'œuvre, dans l'étourdissement de tant de génie et de tant de beauté. Ce n'étaient pas seulement les morceaux célèbres qui l'étonnaient, le Laocoon et l'Apollon des cabinets du Belvédère, ni le Méléagre, ni même le torse d'Hercule. Il était pris plus encore par l'ensemble, par la quantité innombrable des Vénus, des Bacchus, des empereurs et des impératrices déifiées, par toute cette poussée superbe de belles chairs, de chairs augustes célébrant l'immortalité de la vie. 3 jours auparavant, il avait visité le musée du Capitole, où il avait admiré la Vénus, le Gaulois mourant, les merveilleux centaures de marbre noir, la collection extraordinaire des bustes. Mais ici, il retrouvait cette admiration décuplée jusqu'à la stupeur par la richesse inépuisable des salles. Et, plus curieux peut-être de vie que d'art, il s'oublia de nouveau devant les bustes où ressuscite si réel la Rome historique qui fut incapable certainement de l'idéale beauté de la Grèce, mais qui enfanta de la vie. Ils sont tous là, les empereurs, les philosophes, les savants, les poètes. Ils revivent tous avec une prodigieuse intensité tels qu'ils étaient, étudiés et rendus scrupuleusement par l'artiste dans leurs déformations, leurs tares, les moindres particularités de leurs traits. Et, de ce souci extrême de vérité, jaillit le caractère, une évocation d'une puissance incomparable. Rien n'est plus haut, en somme. Ce sont les hommes eux-mêmes qui renaissent, qui refont l'histoire, cette histoire fausse dont l'enseignement suffit à faire exécrer l'Antiquité par les générations d'élèves. Dès lors, comme on comprend, comme on sympathise. Et c'est ainsi que les moindres fragments de marbre, les statues tronquées, les bas-reliefs en morceaux, un seul membre même, bras divin de nymphe ou cuisse nerveuse de satyre, évoquaient le resplendissement d'une civilisation de lumière, de grandeur et de force.